Allô? Allô? Allô, allô? Il y a de la merde dans le tuyau. Allô, allô? Allô, tu m'entends? Allô, allô? Bon, bah, rappelle-moi d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que là, je suis dans un entretien avec un monsieur québécois. Alors, je vais bientôt avoir l'accent. Je sais pas si tu m'entends. Bon, à plus. C'est un ami qui est en moto. Alors, je vois, il roule en moto. Oui, mais il a un casque et tout. Le bout du moteur, c'est déjà assez pénible. Mais il s'est peut-être arrêté là, mais je sais pas, mais ça marchait pas bien apparemment. Et donc, il y avait Belle de Mai, je reviens. Mais moi, vous suivez, vous avez vu le film. Oui, j'ai la suite dans les idées. Mieux vaut avoir la suite que la fuite. Ouais, il y a Belle de Mai, c'était Jérôme Nicolin, qui était un magnifique acteur, qui est mort l'année dernière, et qui a fait un gros succès après, quand moi j'ai commencé à jouer du Claudel. Lui, il a fait un gros succès avec Les peines de cœur d'une chatte anglaise. Ah, ça revient. Il n'a pas compris, il ne m'entendait pas. Oui, allô? Allô? Allô, allô? À mon avis, il appuie sur un bouton. Bon, je vais enlever le son parce que... Non, c'est aucun problème. On coupe au montage. Il va faire ça pendant 3 heures. Ah oui, ok. Il s'agrippe et voilà. Il ne lâche pas la proie. On va faire ça. Mais au Québec, vous dites qu'on entend, on vous voit pas souvent dans les médias traditionnels au Québec. On vous entend, ben, on vous voit au cinéma. Je vous ai vu dans les films d'Éric Rohmer. L'anglaise et le duc. Oui. Exactement. Je vous ai vu aussi dans Le Petit Malin avec Alain Bachon. Dans Le Petit Curieux. Oui, Le Petit Curieux, exactement. De Jean Marbeuf. C'était un rôle étrange. Oui, c'était un joli rôle, assez émouvant avec ce gamin, et puis un peu difficile dans le contexte de la petite ville de bourgeoise dans laquelle dans l'histoire, en tout cas dans le film. Mais c'était un très beau film qui n'a pas eu un énorme succès. Il est passé un petit peu à côté, mais si vous l'avez vu au Canada, déjà c'est pas mal. Ouais, je l'ai vu au Québec. Au Québec. Non, parce que toujours la rivalité Canada-Québec. Canada-Québec. Oui, mais au Québec. Au Québec. Canada, un jour, nous aurons un pays. Pour le moment, non. Mais effectivement, on peut voir ce film-là dans les cinémathèques, dans les lieux un peu plus. Ah plus oui. Vous avez dû voir un film aussi au Québec que j'ai fait il y a quelques années. C'était pour l'anniversaire des 100 ans du cinéma. Oui. C'était Le Fils de Gascogne. Hein. Le Fils de Gascogne, par Pascal Aubier. Okay. Et alors, je sais pas si on l'a vu au Québec, mais en tout cas, il est parti. Alors, c'est un film qui était fait pour la télévision. Il y avait, pour les 100 ans du cinéma, il y a eu Agnès Varda qui a fait un film. Oui, et Pascal Aubier, dans lequel je suis. Il est parti. Vous voulez quelque chose? Je vais boire un coup parce que j'ai soif. Vous avez des... Non, je rentre de l'eau pétillante. Vous avez de la San Pellegrino? Oui. Je vais prendre une demi de San Pellegrino, ouais. Moi, je vais vous prendre une bière fontaine. Blanche. Il est parti, c'est un film fait pour la télévision, mais qui a eu la chance de passer au cinéma dans une ou deux salles un peu art et essai à Paris. Et il est parti, Pascal Aubier, dans les jeux. Oui, c'était même pas cinémathèque, c'était les petits cinémas d'art et d'essai, où il est resté. En général, les films, quand ils ont la chance de passer là, il reste un peu plus longtemps que dans les salles commerciales. Ouais. Et il est parti, à New York, le présenter aussi. Il est passé dans une petite salle à New York. Alors après, je ne sais pas si vous l'avez vu au Québec, ce film. Donc ça relate l'histoire du cinéma depuis 1880. Non, pas du tout. C'est une fiction. C'est un film assez amusant. Où il y a trois protagonistes. Il y avait Dinara Drukova, Grégoire Collin et moi qui étions les trois protagonistes. Dans une histoire, Le Fils de Gascogne. En fait, le fils de Gascogne, Gascogne étant moi, un espèce d'acteur un peu ringard qu'on a connu mais qu'on n'a plus connu, qui est un peu sur le retour, etc. Et en fait, on est en train de chercher le fils de Gascogne. Le film s'appelle Le fils de Gascogne. Le film dans le film. Ah bon, à la recherche de... Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de guest stars dans ce film qui sont venus un petit peu comme dans le film d'Agnès Varda d'ailleurs aussi. Avec des clins qui jouent leur propre rôle. Ah oui, ok. Et en fait, on s'aperçoit, quand on se retrouve chez Alexandra Stewart, on s'aperçoit que ce film a été tourné sans pellicule. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Ah, c'est simplement, voilà. C'est une espèce de mythe. Je ne sais pas si on le trouve en DVD. Oh, oui, on peut trouver ça même en zone 2, là, en France. Il y a des tas de films que j'ai fait qu'on ne trouve même pas nulle part, je peux vous dire. Par exemple, un des premiers films auquel j'ai participé qui s'appelait L'uomo che sfida l'organizzazione. L'homme qui. Non, hélas, à Buñuel, on l'aurait trouvé. C'était un bon faiseur de films spaghetti en Italie qui s'appelait Sergio Grieco. Oh, ça passait un cheveu de Sergio Leone. Oui, Sergio Grieco. Et je n'ai jamais vu ce film. Mais vous n'avez pas votre propre cinémathèque, votre propre À l'époque, c'est le premier film dans lequel j'ai tourné. À l'époque, on ne faisait pas... Pas de DVD, mais comme vous êtes connu, vous pouvez pas aller chercher vos œuvres Je pense qu'il y a des films qu'on ne trouve plus. Je pense qu'il y a des films qui sont qu'on trouve même pas les copies dans les routes cachées ça a été détruit, je ne sais pas. Enfin, ça, ce n'est pas un grand film, hein. Mais peu importe, c'est un début. Vous dites que vous avez commencé sur le tard. Avant, vous faisiez quoi? Vous étiez... Je viens de vous le dire, je faisais prestidigitation. J'ai commencé à 16 ans, moi, à travailler. Ok. J'ai commencé très tôt à faire du spectacle. Ok, vous étiez sous les phares, vous étiez devant les gens, vous étiez... Je faisais des galas en tant que visionniste. Je faisais des soirées d'anniversaire, des soirées pour les vieux. J'avais un spectacle que je présentais aussi un vrai spectacle, j'avais des numéros de 8 à 12 minutes que je présentais dans des cabarets. Est-ce qu'on vous demande encore de faire de la prestidigitation? Si on me demande, j'en ferai pas. Non, hein, vous avez perdu la main? Non. Ça m'est arrivé depuis, je fais un tour de champ de temps en temps. Et ça m'arrive de faire un tour de temps en temps, mais je ne ferai plus un numéro entier de prestidigitation ou un spectacle entier. Est-ce que vous entendez chanter au Fou du Roi il y a un an? C'était... Ah oui, vous avez écouté ça. Oui, je suis un amateur de... Oui, j'avais chanté une chanson qui s'appelait Kingston. Exactement. C'était « Je l'ai trouvé chiffonné, roulé en boule, elle a 10 ans à la quête du monde. Elle vient tout droit des villes qui roulent. Elle vient direct d'étranges rondes. » Et après, il y a le refrain. « Les autoroutes sont mes maîtresses. Pas de trahison, pas de jalousie. On a une grande histoire traîtresse. Lucilla et moi, de partenaires, d'amants, d'amis. » Voilà. Avez-vous fait un album? Non, on n'a pas fait l'album. On a filmé le spectacle et un DVD qui devrait sortir un jour ou l'autre. Mais je n'ai pas fait d'album sur disque, on a juste filmé le spectacle en live, qui est très bien filmé, avec 6 caméras, un beau travail, des raccords. Un bon mixage, mais pour l'instant c'est pas sorti. Alors c'est un veilleux, pour pas mal de budget. C'est un peu ça le problème. Mais... C'est dommage parce qu'il y a des œuvres comme ça qui se verront jamais. On verra. Et puis on va pas se dire que les gens ne savent pas vraiment que je chante et tout, donc je vois pas comment ça serait dans les bacs. Les gens vont aller l'acheter. La seule chose qui se passe, c'est que on a édité un millier ou deux, un peu plus peut-être. De DVD, et que de temps en temps je fais des signatures avec les spectacles qui ont été filmés, dont celui-là. Si on attend que les gens les achètent, on sait très bien que le marché du disque, à part Lady Gaga, marche très bien. Tout ce qui est éphémère, mais ça demande un énorme budget de publicité, puis que les gens le sachent. Pour que les gens achètent, il faut que les gens le sachent aujourd'hui. Donc je fais ça par plaisir. Et puis par vraiment envie. Et donc, si tout d'un coup ça décolle, ça me gêne pas. Aimeriez-vous faire un one-man show, chanson? J'ai fait ça, c'est ce que j'ai filmé, c'est ça. Ok. C'est un,

plus grande pour des jeunes de... Je veux dire, quand vous tournez un film aujourd'hui, ça vaut mieux que le comédien, que l'acteur soit rapide et qu'on ne recommence pas trois fois la séquence à cause de lui. Si ça reste à cause de la technique, c'est une autre histoire. Et que comme il y a moins d'argent, et en tout cas il y a moins d'argent en apparence, et que tout le monde est en état de crise soi-disant, il faut faire vite, ce qui fait que il faut y aller, quoi. Avant, lorsqu'on faisait un film, on avait le temps. Aujourd'hui, au contraire, avant, on faisait 2-3 minutes par jour. Aujourd'hui, je pense que les gens en font le double ou le triple. Quand je ne parle pas de la télévision, sauf quand les gens ont vraiment un sens et puis une production derrière qui suit. Et vous sentez vraiment qu'il y a quand même un travail forcé lorsqu'on veut faire un film aujourd'hui. On doit rentrer ça dans des formats, dans des... Vous savez, il y a eu au cinéma des cinéastes, ici, tout près d'ici, cinéma des cinéastes, il y a eu une journée où on a montré des films comme Delicatessen et d'autres films. Oui, des films comme Delicatessen qui ont été faits il y a 20 ans, puisque il y a presque 20 ans que le film a été fait. Et ils ont fait une journée, une rétrospective avec des films de ce type, c'est-à-dire des films qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. C'est ça le problème. Et le vrai gros, la chose grave, c'est que le résultat du débat, il y avait les metteurs en scène, il y avait Jeunet, il y avait Caro, il y avait Yann Kounen, il y avait des gens qui étaient là, fort intéressants. Et que le résultat des courses, c'est que on socialement, sur le plan financier, on ne pourrait plus faire des films comme Delicatessen, qui est un film où il y a eu de l'argent, mais pas énormément d'argent. Et le film a gagné de l'argent après, et nous avons été rémunérés après coup, après le succès du film, un peu plus que ce qu'on en était au départ. Ouais. Mais c'est un film qui n'a pas été fait complètement à l'arrache, comme le film de Jacques Richard, mais en même temps, qui est un film qui a été fait sans vedette, sans gens connus, sans metteur en scène connu à l'époque. Et c'est un film qui a été fait, c'est un film mythique, et aujourd'hui, je doute malheureusement, c'est ça le vrai problème, qu'on arrive à refaire des films. Là, nous, on a fait un film à l'arrache avec Jacques Richard, le film de Topor, mais est-ce qu'il arrivera à avoir une vie? C'est ça le problème aussi. On est très fiers de l'avoir fait, maintenant, C'est ça, voilà. Exactement. Ben, avant de nous quitter, j'ai 10 questions. À la Proust? Pas vraiment. Je vous propose 10 questions qui vous métamorphoseront en une multitude de variantes. Alors, j'aimerais savoir si vous étiez un liquide. Un liquide? Oui. Un verre de rouge. OK, pourquoi? Parce que j'aime bien j'aime bien, là, je vais à mon festival à Sancerre, et j'y vais pour le jazz, mais aussi pour le pinard. OK. Quel vin en particulier? Le Sancerre, j'aime beaucoup le Sancerre. Okay. J'aime beaucoup certains Bordeaux, et puis certains Minervois aussi. Je m'installe dans le Minervois en ce moment. Et vous n'êtes pas comme Gérard Depardieu, j'ai pas de vigne. Non? Ben non, parce que, entre nous, il a donné son nom à un vin chez Bouvet-la-Dubé, à Saumur. Je vais aussi à peu près tous les ans dans un salon du livre et du vin. OK. Que je suis dans le jury d'un des... Vous êtes impliqué dans plein d'initiatives. Toujours, c'est bien. C'est pas juste le théâtre. C'est bien. Le jazz, je parraine aussi une maladie rare, qui est une maladie, je ne sais pas si au Québec vous avez cette maladie, qui s'appelle Adam Strez, je suis un des parrains de cette maladie. Et c'est des gens qui ont... C'est une maladie, ils sont en crise, je ne sais pas exactement comment on dit, mais il faut complètement, rapidement leur changer tout le sang. Pourquoi cette implication-là pour cette maladie-là? Parce que c'est des gens qui sont venus extrêmement gentiment et convaincants me voir. Et je parraine aussi des choses autour du sida, bien évidemment, de temps en temps. Enfin, je suis un peu actif sur différentes choses. Pas seulement le pinard. Non, mais au niveau social, vous êtes un être très... Mais c'est ma politique. Moi, je n'appartiens à aucun mouvement politique, mais ma politique, elle est de faire des choses un petit peu discrètement, efficacement de temps en temps, pour que les choses avancent un peu pour les uns et pour les autres. Ah oui. Si vous étiez une ville... Une ville? Si j'étais une ville, je crois que je serai Paris quand même. C'est vraiment un Parisien. Je serai Paris. Oui. Ben, c'est quand même, on dit toujours la plus belle ville du monde. Pour vous, c'est il y a des très belles villes dans le monde, mais Paris est la plus belle ville du monde quand même toujours. Et pourquoi selon vous? Pourquoi? C'est pour encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, à l'époque comme aujourd'hui. Pour sa diversité. Okay. Ben, de toute façon, elle n'a pas beaucoup changé. Elle change. C'est la société qui change, mais la ville n'a pas changé. Très peu. Bon, on nous a démoli le cirque Medrano. C'est que je pleurais quand on nous a démoli le cirque Medrano. Il y a des incohérences de temps en temps. Mais c'est une ville qui ne bouge pas, en fait, sur le plan ville. C'est la société qui devient plus difficile, comme dans toutes les villes. Mais quand même, Paris est une des plus belles villes du monde. Si vous étiez une langue. Une langue? Oui, une langue française, une langue. Langue espagnole. Non, pas cette langue-là, mais une langue parlée. Il y a plein de. Je crois que ce serait l'italien peut-être. Pourquoi? J'aime bien la. Je parle mal italien, mais j'aime beaucoup la sonorité. Le français, je le connais, donc c'est ma langue. Donc on va parler d'une autre langue là. Ça serait. Je ne connais qu'un peu que l'anglais, et très mal, mais je me débrouille quand même. Et l'italien. Et j'aime beaucoup. J'ai vécu, quand j'étais à l'époque de la Grande Gêne, on a vécu pendant presque 2 ans, 1 an et demi en Italie. Et alors c'est une langue difficile parce que comme il y a plein de lieux différents, de dialectes différents, donc on n'arrive jamais à avoir un dialecte total. C'est comme au Québec. Voilà. Comme au Québec. Mais c'est une langue très chantante, très romantique. Ce serait plutôt l'italien, oui. L'italien, plutôt l'italien. Pour attirer les femmes, bref. C'est voilà. Ah, voilà. Ecco si. Si vous étiez une époque. Une époque. Peut-être la Renaissance, hein, parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à la Renaissance. C'était une époque qui était en mouvement et que ça ne serait pas celle d'aujourd'hui. Okay. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Si on n'est justement pas dans la Renaissance, là. On est vraiment dans la stagnation la plus totale. Vous trouvez, est-ce que c'est le gouvernement qui fait en sorte que l'on est dans cette stagnation-là ? Ou si c'est le. Est-ce que croyez-vous que c'est le gouvernement ou c'est les gens qui le font ? Non, c'est une espèce d'engouement. Ou la société. D'engouement social de toutes parts, mais qui est une espèce de mondialisation, comme on dit, qui fait qu'il y a une espèce de léthargie totale des choses. Alors on essaie les uns et les autres, avec notre petite boutique, quand on fait du théâtre par exemple, d'être dans l'humain, dans le regard des autres, de faire avancer un petit peu des choses, mais malheureusement aussi aujourd'hui on sait qu'il n'y a que le fric qui fait avancer les choses soi-disant, ce qui est une erreur totale, et on en revient. Bon, alors vous avez l'écologie qui essaie de prendre un peu, je suis d'accord, mais bon, en même temps il y a la culture aussi. Et vous croyez que la culture ça va à la dérive? Je crois qu'on fait, par exemple, l'écologie fait prendre dessus sur la culture, parce que l'écologie devient un truc politique et social, un peu à la mode, un peu dans l'humeur du temps. La planète, sauvons la planète. Mais je pense que la planète, il faut déjà se sauver soi-même et être bien soi-même pour arriver à sauver la planète. Si vous étiez un mot. Un mot? Oui. Bêtement, simplement, il y en a plusieurs. Ça peut être vulgaire, hein, peu importe. Oh non, c'est pas vulgaire. Okay, d'accord. Non, c'est. C'est diversité, c'est dilettantisme, c'est bien sûr l'amour et l'humour. C'est des mots comme ça, quoi. Okay, comment trouver un seul mot, ouais, pour un mec qui vit avec les mots en principe, un seul mot est trop juste. Ok, alors c'est l'ouverture vers. C'est vraiment l'épanouissement et l'ouverture vers les choses. Si vous étiez un aliment. Un aliment. Un aliment. Du chocolat. Ah oui. Un morceau de chocolat. Ok. Qui fondrait dans une belle bouche. 70% de cacao, ça. C'est le meilleur chocolat. Ouais. Si vous étiez une saison. Une saison, ah, j'aime les quatre. C'est compliqué. Alors, vous aimez Vivaldi, l'œuvre de Vivaldi. Oui, voilà. Non, j'aime les quatre. Je suis dans un pays où on a droit aux quatre saisons. Plus ou moins, hein. Oui, mais quand même. Même, c'est-à-dire aujourd'hui, elle se mélange un peu. Il fait des fois beau en janvier. La grêle, il y a 2 semaines. Il y a deux jours. Mais j'aime bien, encore une fois, j'aime bien la diversité. Donc je n'aime pas uniquement l'hiver, l'automne, le printemps. Disons que mes deux saisons préférées seraient le printemps et l'automne.